Psaume 90. Requête de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu nous as été une retraite d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre, dis-je, habitable, même de siècle en siècle, tu es le Dieu fort. Tu réduis l'homme mortel jusqu'à l'homme nuisé, et tu dis, fils des hommes, retournez. Car 1000 ans sont devant tes yeux, comme le jour d'hier qui est passé, et comme une veille en la nuit. Tu les emportes comme par une ravine d'eau, ils sont comme un songe au matin, comme une herbe qui se change, laquelle fleurit au matin, et reverdit, le soir on la coupe, et elle se fane. Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes troublés par ta fureur. Tu as mis devant toi nos iniquités, et devant la clarté de ta face nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, et nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années reviennent à 70 ans, et s'il y en a de vigoureux, à 80 ans, même le plus beau de ces jours n'est que travail et tourment, et il s'en va bientôt, et nous nous envolons. Qui est-ce qui connaît selon ta crainte la force de ton indignation et de ta grande colère? Enseigne-nous à tellement compter nos jours, que nous en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Éternel, retourne-toi, jusqu'à quand, sois apaisé envers tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, afin que nous nous réjouissions, et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Réjouis-nous au prix des jours que tu nous as affligés, et au prix des années auxquelles nous avons senti les maux. Que ton œuvre paraisse sur tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Et que le bon plaisir de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, et dirige l'œuvre de nos mains, oui, dirige l'œuvre de nos mains.